Demain aura lieu la grande finale chez les femmes entre Serena Williams et Bianca Andreescu dans le cadre du US Open. On a parlé ce matin à Caroline Delisle, notre experte de tennis. Et dans un premier temps, Caroline Delisle mentionne évidemment la résilience que possède Bianca Andreescu. Elle voit sur le terrain, puis on voit aussi qu'elle prend de la maturité là, de match en match. Là, on la voit, elle a l'air quand même assez calme, assez en contrôle. Puis moi, je pense que c'est tout en son honneur parce que c'est pas évident là, d'arriver dans des gros tournois comme ça, puis de bien se comporter de la sorte là, d'un match à l'autre. Puis elle lâche jamais. C'est incroyable. On pense des fois que là, bon, ça y est, tu sais, elle va perdre le set. Ben non, elle revient. Puis on dirait quand elle est accolée au pied du mur, là, elle se dit bon ben là, il faudrait que je commence à jouer plus. Puis elle le fait, puis ça marche. Donc tant mieux pour elle, mais en tout cas, c'est un vrai conte de fées là, pour Bianca Andreescu qui a obtenu son billet pour la finale. Là. Écoutez, c'est pas peu dire. Hein. L'année dernière, elle jouait les qualifications. C'est sa première participation dans le tableau principal, puis déjà une finale. Donc, c'est ça. Elle-même le dit, c'est surréaliste. Là. Pour elle, c'est un rêve devenu réalité. En plus, elle va affronter une des plus grandes joueuses au monde, là, Serena Williams, en finale des internationaux des États-Unis. Donc, Demain, Bianca Andreescu va affronter Serena Williams dans une foule hostile qui est celle du US Open. Et Caroline Delisle a bien hâte de voir la réaction de Bianca Andreescu. Donc, sa mère a l'air quand même assez calme dans les estrades quand on la regarde. Son père peut-être un petit peu plus nerveux. Mais écoutez, elle nous a démontré là, toute sa résilience puis son cœur de combattante dans la demi-finale. Effectivement, elle abandonne jamais. Puis ça, c'est une très, très grande qualité. Puis je suis persuadée que ça va l'aider là, justement à parfois remporter des matchs là, qui sont très difficiles. Puis là, j'ai juste hâte de voir pour la finale comment elle va se comporter. Parce que bon, elle ne joue pas contre n'importe qui. Hein. C'est sûr que Serena va arriver avec ses forces de frappe et ainsi de suite. Puis depuis le début de la quinzaine, ben Serena n'a pas eu grand misère là, dans ses matchs. Là. Ça a été quand même relativement facile. Comme un rouleau compresseur, je dirais. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. J'espère que Bianca, physiquement, va tenir le coup aussi, là, qu'elle ressent pas de douleur, parce que on s'entend que contre Serena, faut qu'elle soit là à 100% de sa forme. Puis il va falloir qu'elle puise jusqu'au plus profond de ses réserves, là, hein, parce que rendu en finale comme ça, je suis persuadée là, qu'elle va vouloir tout faire pour essayer de se donner une chance de pouvoir gagner le match. Hein, puis s'il fallait qu'elle soulève le trophée, elle pourrait entrer dans le top 5 mondial. Fait que ce serait extraordinaire. Et Caroline Delisle rappelle évidemment que le Canada doit être fier de Bianca Andreescu, puisqu'en début d'année, elle était 152e et elle est assurée d'être dans le top 5 lundi. Ah, là, ça se peut, oui, c'est ça, parce ouais. qu'ils ont dit le top 5 mondial. Donc, si elle tombe quatrième, là, écoutez, c'est encore mieux. Mm. Sauf que, tu sais, je veux dire, faut quand même être content de tout ce qu'elle a accompli. Tu sais, je me dis, faut pas avoir nécessairement trop d'attentes, là, pour la finale, puis dire, ben, tu sais, oui, on prend pour elle, puis on souhaite qu'elle gagne, mais d'un autre côté, déjà, être rendu là, c'est fabuleux. Puis, tu sais, on souhaite juste avoir un bon match, hein. Moi, je pense que, tu sais, si Serena gagne, puis qu'elle mérite, écoutez, on peut rien faire, puis, notre Canadienne, ben c'est certain qu'on va l'encourager, puis on le sait qu'elle lâchera pas, peu importe ce qui arrive. Maintenant, ça joue sur le terrain, puis tu sais, il peut aussi avoir un petit peu de nervosité, il peut avoir des petits problèmes au niveau physique qu'on sait pas toujours. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, mais en tout cas, écoutez, c'est ça, le Canada peut être très, très fier de sa joueuse, puis nous, ici, au Saguenay, on est doublement fiers, parce qu'écoutez, on l'a vu à quelques reprises au Challenger Banque Nationale. L'année dernière, lorsqu'elle est venue, elle était classée environ 230-240e au monde. Puis là, on la regarde aujourd'hui, déjà top 10 à 19 ans. Fait que c'est très motivant, puis c'est plaisant de pouvoir voir sa progression comme ça. Et le fait qu'ils ont joué un peu à la finale de la Coupe Rogers, ça pourrait donner une certaine chance à Bianca Andreescu, explique Caroline Delisle. Oui, écoutez, je pense que Bianca croit beaucoup en ses chances. Hein. C'est une joueuse là, qui est très, très confiante. Fait que moi, je suis persuadée qu'elle va rentrer sur le terrain avec l'idée qu'elle peut gagner le match. Elle sait que ce sera pas facile. Elle sait qu'elle joue contre une grande championne. Mais qui va avoir la pression? Je pense pas que ça va être Bianca Andreescu. Ça va être plus Serena Williams, qui a beaucoup plus d'expérience aussi sur le circuit, beaucoup plus de victoires. Donc, tu sais, je veux dire, en n'ayant pas d'attente, peut-être qu'elle va jouer quand même assez relax, puis elle va se laisser aller, puis écoutez, ça peut réserver de belles surprises. Mais effectivement, moi, je pense que rendu là, de toute façon, quand t'es rendu en finale, où tu crois en toi. Puis le fait d'avoir joué à Toronto, puis amenait quand même 3-1 lorsque Serena a décidé de se retirer. Fait que c'est certain que, bon, au pointage, amenait. Puis c'est un bon début de match pour elle à ce moment-là. Fait que je suis persuadée qu'elle va vouloir faire la même chose demain. C'est sûr que Serena est une joueuse très puissante. Il va falloir que Bianca... Elle est capable de rivaliser là-dessus. Oui, capable de rivaliser, c'est certain. Oui, au niveau des frappes. C'est seulement au service que ça peut être un petit peu plus problématique. Hier, on l'a vu, quand Bianca passait des belles premières balles, ça a été plus facile. Mais lorsque ses premières passaient pas, là, elle se faisait attaquer un petit peu sur ses deuxièmes. Là, demain, on s'entend que Serena Williams, c'est une grosse cogneuse. Fait que les deuxièmes balles de Bianca, disons qu'elles sont mieux d'avoir un petit peu de mordant parce que ça peut être assez difficile pour elle. C'est là que ça va jouer, puis, je pense. Par contre, Bianca, d'excellents retours. Même si Serena sert bien, moi, je crois à ses chances de pouvoir quand même la briser, là, peut-être à quelques occasions. Mais encore là, ça va vraiment dépendre de comment Serena va servir aussi. Là. Fait qu'écoutez, moi, je m'attends à un bon match. Ben, on l'espère, au moins. C'est ça qu'on demande. Donc voilà, c'est demain 16h qu'aura lieu la grande finale entre Bianca Andreescu et Serena Williams au US Open à Flushing Meadows dans la région de New York.